9. Conclusion. Nous avons montré l'abbé de Bucquoy s'échappant de la Bastille, ce qui n'était pas chose facile. Il serait maintenant fastidieux de raconter ses voyages dans les pays allemands où il se dirigea en sortant de Suisse. Le comte de Luc, auquel Jean-Baptiste Rousseau a adressé une ode célèbre, était là ambassadeur de France et s'employa à faire sa paix avec la cour. Mais il n'y put réussir, non plus que la tante de l'abbé, la douairière de Bucquoy, qui adressa au roi un placet commençant ainsi. La veuve du comte de Bucquoy remonte très humblement à votre majesté que le sieur l'abbé de Bucquoy, neveu du feu comte son époux, a eu le malheur d'être arrêté près de Sens pour le sieur l'abbé de la Bourlie, envoyé prétendu de monsieur de Marlborough, afin d'encourager les faussonniers répandus dans la Bourgogne et dans la Champagne et tâcher d'y pratiquer une espèce de rébellion. La comtesse indiquait ensuite la fausseté de cette arrestation et peignait les souffrances qu'avait dû subir un fidèle sujet comme le comte abbé de Bucquoy, confondu avec des révoltés et retenu d'abord dans la prison de Soissons avec les gens coupables de l'enlèvement de monsieur de Beringen. La comtesse tâche ensuite de faire valoir le courage qu'a eu son neveu de s'échapper de la Bastille, sans aucun éclat, le 5 mai, au prix de beaucoup de sueurs et de travaux. Cependant, arrivé en lieu étranger, il demande à faire valoir son innocence, protestant qu'il est un des plus zélés sujets du roi, mais de ses sujets à la Fénelon, qui vont droit à la vérité, où le prince trouve cette gloire, qui ne doit son éclat qu'à la vertu. La comtesse fait encore observer qu'il serait bon que les écrous de son neveu fussent partout rayés et biffés, à Sens, à Soissons, au Fort-l'Évêque et à la Bastille, et qu'il fût rétabli dans tous ses droits, honneurs, prérogatives et dignités, et qu'on lui restituât plus de 600 pistoles qui lui avaient été enlevées dans ses divers emprisonnements. Elle fait remarquer aussi que le valet de chambre et la servante de son neveu, Fournier et Louise Depus, ont emporté 2000 écus qu'il possédait au moment de son évasion. La douairière de Bucquoy finit par demander pour son neveu un emploi honorable, soit dans les armées du roi, soit dans l'église, lui-même étant disposé également à tout ce que l'ordre voudra de lui, et trouvant tout bon pourvu que ce soit le bien qu'il puisse remplir. La date est de 22 juillet 1709. Ce placet n'obtint aucune réponse. Lorsque l'on se trouve en Suisse, il est très facile de descendre le Rhin, soit par les bateaux ordinaires, soit par les trains de bois qui emportent souvent des villages entiers sur leurs planchers de sapin. Des branches du Rhin, canalisées, facilitent en outre l'accès des Pays-Bas. Nous ne savons comment l'abbé de Bucquoy s'est rendu de Suisse en Hollande, mais il est certain qu'il parvint à s'y faire bien recevoir du grand pensionnaire Heinsius, qui comme philosophe l'accueillit les bras ouverts. L'abbé de Bucquoy avait tracé déjà tout un plan de république applicable à la France, qui donnait les moyens de supprimer la monarchie. Il avait intitulé cela « anti-machiavélisme » ou « réflexion métaphysique sur l'autorité en général et sur le pouvoir arbitraire en particulier ». On peut dire, observait-il dans son mémoire, que la république n'est qu'une réforme par occasion de l'abus que le temps amène dans l'administration du peuple. L'abbé de Bucquoy, par esprit de conciliation probablement, ajoute que la monarchie est de même parfois un remède violent contre les excès d'une république. La nature se rencontre dans ces deux gouvernements, républicains ou monarchiques, mais non pas de plein gré comme dans le premier. Il avoue que le pouvoir monarchique, entre les mains d'un sage, serait le plus parfait de tous. Mais où trouver ce sage? Partant, l'état républicain lui paraît être le moins défectueux de tous. L'autorité arbitraire, dans les idées de l'abbé, c'est le gouvernement de Louis XIV, ne se sert que trop de Dieu. Mais à quoi? À couvrir son injustice. Elle peut surprendre la multitude, ou la géhennère, de telle manière que son air muet semble applaudir. Mais on doit encore prendre garde. Il ne faut que quelques hommes d'une certaine trempe, une veine, un moment, un presque rien qui s'offre à propos, pour réveiller dans le peuple ce qui y semble assoupi. « Quel fond faites-vous, ajoute l'abbé, sur les athées couverts, qui n'ont plus que vous, ne pensent qu'à eux? N'attendez pas qu'ils s'échauffent pour vous dans l'occasion. Ils suivront le temps en vous laissant dans la surprise qu'ils vous ont les premiers manqués. Notre travail maintenant ne peut être que le complément d'une biographie, où nous devons seulement indiquer l'abbé de Bucquoy comme un des précurseurs de la première révolution française. L'ouvrage dont on vient de voir l'esprit général est suivi d'un extrait du traité de l'existence de Dieu, dans lequel l'auteur cherche à démontrer contre les philosophes matérialistes que la matière n'est pas en possession de son existence et de son mouvement par sa propre vertu. Chacune des parties de la matière, dit-il, a-t-elle l'existence par elle-même? Il y aurait donc autant d'êtres nécessaires que de parties. Cela produirait des dieux sans nombre, comme dans les imaginations des païens. Les corps n'ont, selon l'abbé, ni existence ni mouvement par eux-mêmes. Prétendra-t-on qu'au centre de la matière, un atome pousse l'autre, et que l'ordre résulte de leur action réciproque? Voilà ce que l'abbé ne peut admettre sans l'intervention d'un dieu. Les corps ont aussi peu par eux-mêmes le mouvement et la régularité du mouvement que l'existence. À ce compte, le hasard est-il quelque chose de tout cela? Par là même, il dépend. Subsiste-t-il par lui-même, sans être rien de ce qu'on vous a dit? Alors c'est Dieu. N'est-il ni l'un ni l'autre? Ce n'est rien. L'auteur, on le voit, lutte ici contre certaines idées cartésiennes qui préparaient déjà d'Holbach et la Métrie. Il ne peut s'empêcher de faire encore, en finissant une critique de la cour de Louis XIV, en disant « Oh mon Dieu, on vous confesse assez de bouche, mais qui est-ce qui vous avoue de cœur ? N'y aurait-il que vous, Seigneur, qui n'auriez aucun crédit parmi les hommes, si ce n'est comme prétexte à leur injustice ?» Le gouvernement des Pays-Bas tint beaucoup compte des projets de l'abbé de Bucquoy. Mais il était difficile d'établir alors en France une république, et de plus cela n'eût pu se faire que par le triomphe des alliés. L'abbé n'eut donc que des succès de salon en Hollande, où il passa pour un profond métaphysicien. On l'écoutait avec faveur dans les réunions, et là il obtenait partout l'assentiment de cette France dispersée à l'étranger par les persécutions de toutes sortes, et qui se composait de catholiques hardis aussi bien que de protestants. Les deux parties s'unissaient dans la haine de celui qui se faisait adresser ses épithètes, Viro immortali ou Firegio divo. À propos du placet adressé au roi par sa tante, les dames de la Haye en blâmèrent le ton. Ce n'était plus, dit-on, la mode en France de parler si haut et si naïvement. Il en avait coûté cher à M. de Cambrai, qui pourtant s'était enveloppé dans son style. À l'époque de la mort de Louis XIV, l'abbé de Bucquoy écrivit ses quatre vers avec ce titre « La Seine est Saint-Denis ». Le voilà mis dans le caveau. C'est donc la fin de son histoire. Mais pour épargner sa mémoire, le flatte bien qu'il n'en dit mot. Il y avait peut-être un peu d'exagération dans cette remarque de l'abbé. « Vrai roman que son règne, dit-il plus loin, je le veux, je le puis, telle était sa devise. Qu'a-t-il fait? Rien. Que ne peut-on redonner la vie à des milliers d'hommes sacrifiés à ses desseins ?» C'est à la mère du régent que le comte de Bucquoy adressait ses observations de son refuge en Hanovre le 5 avril 1717. L'abbé de Bucquoy, se trouvant à Hanovre, publia des réflexions sur le décès inopiné du roi de Suède. En faisant considérer la position qu'avaient à maintenir les princes, il écrivit cette phrase « Quel opprobre et quel reproche sur tous ceux que la Providence plaça sur le chandelier de n'y figurer pas mieux que sous le boisseau !» Il ajoutait « L'âme d'un misérable particulier en un prince me choque étrangement. Quant à sa majesté suédoise, il lui reproche d'avoir lu trop jeune Quintecurs. Gardez-vous, ajoute-t-il, d'un homme qui n'a qu'un livre dans sa poche. Déterminé, soldat partout, grenadier par excellence, c'était son humeur. Mais les lectures de Quintecurs l'ont perdu. De sa gloire de Nerva, réduit à fuir à Pultava, aventurier à Bander, il se fait tuer sans besoin à Friedrichsthal. » Voilà à quel raisonnement politique l'abbé de Bucquoy se livrait à Hanovre vers 1718. Mais en 1721, il ne se préoccupa plus que des femmes, faisant accessoirement des observations sur la malignité du beau sexe. On trouve dans ce nouveau livre cette phrase « Ô femme, l'extrait d'une côte, fille de la nuit et du sommeil, à t'endormais quand Dieu te fit. S'il eût été éveillé, peut-être aurait-on eu de meilleures besognes, ou bien il aurait prié le Seigneur de rendre l'os de ses os plus souples, du moins du côté de la tête. » Adam aurait pu dire aussi à Dieu « Laisse ma côte en repos, j'aime mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. » L'abbé de Bucquoy avait trouvé un grand accueil à la cour de Hanovre, où on lui donna un logement dans le palais. Seulement, il ne s'attendait pas à y trouver une dame nommée Martha, qui était la concierge, et qui le fit souffrir en plusieurs occasions. Cette femme était fort avare, et tirait tout ce qu'elle pouvait de l'abbé. Il était allé à Leipzig, et on lui avait envoyé de l'argent pendant son absence. En revenant, il n'entendit parler de rien. Mais une lettre l'avertit de ce qui lui était envoyé. Alors il se plaignit, et la concierge lui répondit que, dans son absence, elle avait employé l'argent, mais qu'elle le lui rendrait plus tard. Il se borna à lui répondre en allemand « Es ist nicht recht, ce n'est pas bien. » Cependant, comme il s'en était plaint au mari, elle vint chez l'abbé le matin, en chemise blanche et nu-jambe, avec un cotillon fort court. Que sait-on de l'abbé si ce n'était pas une Phèdre furieuse d'amour et d'orage? C'est alors qu'il courut à ses pistolets pour y mettre de la dragée. La dame eut soin de s'échapper très vite. Ces dernières persécutions furent très sensibles à l'abbé de Bucquoy, qui plusieurs fois s'en plaignit à sa majesté britannique, de qui dépendait le gouvernement de Hanovre. On peut croire que dans ces dernières années, c'est-à-dire vers 90 ans, son esprit s'affaiblissait et l'amenait à s'exagérer bien des choses. Nous n'avons pas d'autres renseignements touchant les dernières années de l'abbé comte de Bucquoy. Cet écrivain nous a paru remarquable, tant par ses évasions que par le mérite relatif de ses écrits. Nous ne devons pas toutefois le confondre avec un nommé Jacques de Bucquoy, dont la Bibliothèque nationale possède un livre intitulé « Race d'or des Indiens » d'Or Jacob de Bucquoy, Harlem, Jeanne Bosch, 1744. Le comte de Bucquoy, après son évasion, resta soit en Hollande, soit en Allemagne, et n'alla pas aux Indes. Un de ses parents, peut-être, y fit une excursion vers cette époque.